nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on n'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Je veux que les néonazis, les putes, l'aérophagie. Mauve comme Néo à vie, c'est pas de l'homéopathie. Je reste à la casa, j'arrive ça sans cana. Je suis dans des pailles syllabiques genre katakana. Je seul, j'ai pas les mots, j'ai peur et ma tête saute. Les refrains ça t'écho, les heures c'est passé chaud et ce NAMO. Bouge la tête si t'as des écouteurs. Ouais, même sans la foule, on rappelle, c'est nous seuls, frère. Ouais ma gueule, entre nous on l'aura pas volé. Tous ces groupes qui t'écoutent ne sont pas honnêtes. Là j'ai méga soif, ramène la taille. Puis le volume de ma belle, on est pas net. Tu verras pas nos gueules dans les faits divers. Que des vrais tueurs dans le périmètre. Comme bac de la MIF, tu peux vérifier. C'est pas fini, demande à X-Men, laisse-moi terminer. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas donné. Je vois la lune et les étoiles, j'ai brûlé les étapes. J'ai vu la vie en rose, puis j'ai vu tomber les pétales. J'ai les joues bien étanches, grosses veines le long des tempes. J'écris, je laisse parler mes sens pour un peu de reconnaissance. T'étais en cours, on était là, la petite histoire est salace. Mais était-ce donc ça la vie? On a commis des erreurs, chacune à son prix. On s'est promis d'être meilleur et on a compris. En volant de ses propres ailes, on peut tout avoir. Si on l'a fait, c'était pas pour la gloire. Ni pour les thunes, ni pour les... On l'explique pas, il y a des jours c'est dur. Je parle peu et je m'en suis rendu compte. Ça me fait du mal d'être muet comme une tombe. Il faudra s'accrocher, pas passer à côté. Et si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. J'ai traîné mes affaires comme un célibataire. J'ai eu la fleur du mal avec délicatesse. On traîne nos carcasses, nos karmas, pas trop décent, désabusés. Parce qu'on a fumé nos adolescences. On sera seul face à la mort et son vrai visage. On divague, putain, ce que la vie est bizarre. On survivra parce que la joie n'est pas vitale. La tristesse est pendue à la corde de sa guitare. Jour après jour, on se rapproche de la fin. On finira poussière, on n'emportera rien. Vie entre parenthèses, ce monde est lamentable. Tes mailles ont que la maille en tête. Ils ont tous la mampane. Rien te sauvera face au néant, même pas ton jeu d'acteur. Ici c'est marche ou crève, paye ta dette. Ferme un peu ta gueule, étouffe le désespoir. Bouge et mette les voiles. Levez les yeux, essayez de toucher les étoiles. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé. Ils nous ont fait du mal, on leur a pardonné. On l'a mérité parce qu'on a charbonné. Je troquerai pas la gloire contre ma vie banale. Et pourtant si ça marche, on l'aura pas volé.